4. La fuite. Que ne puis-je tarir le flot de mes pensées? Le conte de l'île, les spectres, poème barbare. Eh bien, Jean, ce grog, est-ce pour aujourd'hui ou pour demain? Tu as été chercher le rhum à la Jamaïque, que tu restes tant de temps en chemin? Plus vite que cela, animal, j'attends depuis 10 minutes. Montre en main. Voilà, voilà, fallait faire chauffer l'eau, couper le citron. Tu raisonnes, on dirait. Il est heureux pour toi que je vienne de bien dîner, et que je n'ai pas envie de bouger. Sans cela, tu aurais reçu le plus beau coup de pied qui ait jamais renversé. Il n'est plus là. Oh, le pendard, il me paiera cela. Je ne sais ce qu'il a, mais depuis quelque temps, il en prend à son aise. Il est moins soumis. Il va falloir que je le mate de nouveau. Et se levant de dessus le fauteuil à bascule, où il digérait son copieux repas, Antoine, l'ancien employé de la maison Montbrillant et fils, le tentateur de Yanoulet, se mit à arpenter la chambre d'un air furieux. La pièce, vaste et carrée, était éclairée par une petite lampe au pétrole posée sur une caisse renversée, tenant lieu de table. D'énormes moustiques dansaient autour de la lumière. Dans l'air étouffant, leur agaçante musique semblait plus agaçante encore. Les murs, simples cloisons de bois, étaient recouverts de peaux de bêtes, de panoplies d'armes, fusils, poignards, épées, revolvers, pistolets de tous les calibres. Un lit de sangle dans un coin, entouré de sa moustiquaire de tulle blanc, deux chaises et le fauteuil à bascule formaient tout le mobilier. L'appartement s'ouvrait sur une véranda entourée de lianes, pignonia, aristoloche, dont les fleurs éclatantes répandaient dans l'air une odeur trop forte, presque insupportable. À travers leurs rideaux tremblants, qu'une brise chaude faisait bruire et palpiter, on apercevait la nuit bleue, une nuit étoilée, splendide, claire comme un crépuscule. Le commis infidèle, vêtu d'amples vêtements de toile blanche, était un homme d'environ 35 ans, grand, vigoureux, et malgré un embonpoint envahissant, fort beau encore, d'une beauté brutale, vulgaire. Son teint bourgeonné d'alcoolique, sa sombre chevelure crépue, ses yeux noirs, cruels et froids, qui ne regardaient jamais en face, son expression dure et inflexible le faisait ressembler à un marchand d'esclaves d'autrefois. « Jean, ici » cria-t-il avec un affreux juron, « ici, un peu vite, chien, ou je te casse la mâchoire !» Qui aurait reconnu en l'homme décharné et pâle, aux épaules voûtées, aux yeux hagards, qui entra, l'enfant blond et charmant que sa mère berçait sur son cœur en lui chantant des Noëls, dans la paisible maison de la terre-école, l'adolescent au doux visage qui avait été surpris comme il volait son patron. Une barbe embroussaillée, d'un ton fauve, cachait à moitié sa bouche au contour si noble jadis, sur laquelle les mensonges, les mots grossiers avaient laissé leur empreinte hideuse. Elle était amère, haineuse cette bouche, les lèvres qui avaient désappris le sourire s'affaissaient au coin comme sous la hantise d'un découragement sans fond. Des rides profondes sillonnaient son front si blanc autrefois, son front de chérubin que sa mère baisait avec amour et qu'une chevelure mal peignée, débordant en boucles folles, cachait maintenant. Deux lignes dures creusaient ses joues et vieillissaient singulièrement cette figure bronzée, belle toujours grâce à la noblesse des lignes, à la limpidité de deux yeux splendides qui reflétaient également le mal et le bien, comme à la queue pure reflète le ciel bleu ou les nuages. En ce moment, il brillait d'un éclat extraordinaire. « Eh bien, quoi » dit-il en s'avançant résolument. « Quoi ? Baisse un peu le ton, je te prie. Depuis quand t'en vas-tu lorsque je te fais l'honneur de te parler ?»« Depuis aujourd'hui, j'en ai assez de tes manières, et je suis résolu à ne plus les supporter. »« Tu es résolu à ne plus les supporter ? Fort bien. Tu auras le fouet, mon bonhomme, tout comme un simple malabar. » « Le fouet, mon gros poussa, faudrait m'attraper d'abord. Je suis plus leste que toi, je sais courir. Je connais la brousse et je n'ai pas trop dîné, moi. Oui, oui, appelle tes canaques, les condamnés, tes malabars, crie, tempête, siffle, tu verras comme ils te répondront. » Tu as donc oublié qu'ils sont tous à la fête funèbre pour le vieux sacripant de chef nègre qui vient de mourir. Le feu serait à la baraque, qu'ils ne se dérangeraient pas. Ils ne rentreront qu'au jour une fois l'orgie terminée. « Je lancerai mes chiens après toi. »« Tes chiens ? Ils obéissent mieux qu'à ma voix qu'à la tienne. N'est-ce pas moi qui les nourris ? Cesse de caresser ton revolver, car le mien partirait comme par hasard. Et ce n'est pas pour me vanter, mais je rate rarement mon coup. Donc pas de manière, plus de patrons et d'employés, nous sommes seuls, personne ne peut nous entendre, expliquons-nous. Voici plus de 15 ans que je te sers, car tu m'as pris tout petit quand j'arrivais bien bête et ignorant de mon village. Par tes façons hypocrites, tu m'as tout de suite empaumé. Tu m'as montré le mal poussé vers le vol et le crime. Puis quand j'ai été aussi bas que toi, tu m'as repoussé du pied, écrasé comme une noix vide. Maintenant tu me méprises, tu me hais. Quelle exagération, tu m'es indifférent. Si ça t'est égal, je m'assiérai pour écouter tes explications qui menacent d'être longues. Et puis parle moins fort, tu troubles ma digestion. Oui, je suis moins pour toi que la boue de tes souliers. Tu exagères encore, tu as trop d'imagination. Tu m'es très utile, tandis que la boue de mes souliers est plutôt gênante. Nul mieux que toi ne prépare le bœuf à la mode. Tout ce qu'il y avait de bon en moi, tu l'as détruit par tes exemples, par tes maudits conseils. Ce qu'il y avait de bon en lui, oh là là, laissez-moi rire. Sais-tu que tu es très divertissant ce soir? Ce qu'il y avait de bon en toi? Mais tout était bon, ange, séraphin, tu étais un saint, un petit bon Dieu. Tais-toi, tu n'as pas honte, voleur, mécréant, chenapan, fiefé. Qui a fait de moi un voleur, un mécréant, un chenapan si ce n'est toi? Ah, mais sérieusement, tu es malade, tu as la fièvre. Faudrait soigner ça. C'est moi qui t'ai forcé à voler? Faut croire que tu avais de fières dispositions, car tu n'as guère résisté. Pour le compte de qui ai-je volé? Est-ce pour le tien ou pour le mien? Pour celui des deux, imbécile. Si nous n'avions pas amassé une pacotille, comment aurions-nous pu partir pour la Nouvelle-Calédonie et y fonder cet établissement qui est en train de nous mener à la fortune? Nous mener? Toi, oui, moi, quand? Lorsque tu seras mort. En attendant, je suis ton esclave pas payé, mal nourri, moins bien traité qu'un condamné, qu'un de tes canaques, de tes nègres, ou même de tes chiens, car au moins moi tes chiens je les aime, je les caresse. Tu te plains, et les autres? Il n'y en a pas, de la misère pour eux aussi peut-être? La vie est dure pour tous, voyons. J'aurais voulu faire de toi mon associé, mais est-ce ma faute s'il n'a pas plus de tête qu'une linotte, tandis que tu as des dispositions remarquables pour la chasse et pour la cuisine? Nul mieux que toi, je le répète, n'accommode une pièce de venaison, ne dépiste une vache ou un taureau sauvage, ne le traque, ne le tue proprement, sans dégâts. J'ai coutume d'employer les gens d'après leurs capacités. J'ai fait de toi tout naturellement mon grand veneur et mon chef cuisinier. Quant à ce que je consens à appeler ta part, tu l'auras, sois tranquille, plus tard, quand elle sera constituée. Je me sers le premier, comme de juste, étant le plus vieux. Et puis je suis la tête, tandis que tu n'es que le bras. C'est moi qui pense, toi qui exécute. Tu marronnes de travailler, et moi je me tourne les pouces dans ma fabrique peut-être. Je n'ai pas à surveiller ces coquins de noir et les autres brutes qui me servent. Je voudrais t'y voir comme moi le revolver sans cesse chargé à la ceinture, faisant marcher tous ces feignants. Grâce à mon activité, à mon initiative, nos viandes conservées s'expédient et se vendent en Europe. Notre commerce s'étend. Notre commerce. Qu'est-ce qui te manque, nom d'un petit bonhomme? Tu m'as dit 100 fois toi-même que tu aimais mieux diriger la chasse que de rester à la fabrique. Oh, ça oui, le métier est dur. On y risque sa peau, mais au moins, il est chouette. Quand ma bonne carabine au dos, je pars, suivi des chiens qui sautent d'impatience, des nègres et des canaques, et que j'aperçois au loin dans la brousse un troupeau de vaches et de taureaux, mon cœur bat. Nous cherchons à enserrer les bêtes, mais rusées, elles s'enfuient dans la montagne. Faut les poursuivre, être plus leste, plus rusée qu'elle. Ah, lorsque l'une d'elles se sentant perdue, se retourne brusquement, frappe du pied le sol et tête baissée, les naseaux fumants font sur vous, c'est alors qu'il fait bon vivre. Pend un coup au cœur. L'animal s'abat, foudroyé, ou s'en va se tortiller dans la brousse. À partir de ce moment, par exemple, c'est fini le plaisir. Je laisse Joe et les noirs l'achever, trancher avec un couteau le nerf de la nuque, le dépecer, le mettre au sel dans les barils. Toute la sale cuisine, quoi. C'est l'affaire d'assassins comme ce forçat libéré ou de boucher. Pour moi, je m'en retourne dégoûté, mort de fatigue, et je reprends ma chaîne. Mais j'en ai assez. Jamais un mot pour me payer de mes peines, jamais une parole d'amitié. Pourtant, qu'ai-je fait pour que tu aies changé ainsi? Ne t'ai-je pas servi fidèlement? Je ne suis pas plus mauvais qu'un autre, pas plus que toi toujours. La belle tirade! Sais-tu que tu es très éloquent lorsque tu t'y mets? J'ai pris grand plaisir à t'écouter. Cette description de la chasse était épatante. Et maintenant, le dévouement, l'amitié, c'est touchant, c'est tout à fait primontillon. Quelle mouche t'a piqué ce soir, voyons, que tu parles comme une fillette du Sacré-Cœur? Toi, le dur à cuire que nos hommes ont surnommé la terreur de la brousse, qu'as-tu? Serait-ce parce que nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, veille de Noël? Noël, cette vieille rengaine de la vieille Europe. Oui, l'enfant Jésus, la crèche, les mages, les toiles, les bergers. Balançoire, tout cela. Niaiserie écœurante pour vieille fille et pour curé. Parbleu, Noël a quelque chose de bon, c'est le réveillon. Mais rien ne nous empêche de transporter cette coutume à la nouvelle. Pour ma part, je n'y ai jamais manqué jusqu'ici, et tout à l'heure, je t'autorise à me servir le reste de la pièce de bœuf et les ananas au kirsch que tu as préparés. Je te donnerai un verre d'eau-de-vie. Nous trinquerons ensemble. Tu le vois, je veux bien te traiter en ami. Nous boirons à la santé de l'ancienne là-bas. Quelle ancienne? Dit Jean, devenant affreusement pâle. Et l'ancienne de la terricole? Elle doit se demander ce que tu deviens depuis le temps. Tu ne lui as jamais écrit, voici 12 ans que tu es parti. Pour un fils tendre, pour un homme sentimental, qui ne peut vivre sans affection, c'est un peu fort de café tout de même. Taisez-vous, je vous défends de parler de ces choses. De quoi tu me défends? Tu te permets de défendre quelque chose, toi? Et qui, à moi? De mieux en mieux. Attends un peu, canaille, bandit, que je t'étrangle comme un vil misérable que tu es. Antoine, ivre de colère, s'élance, mais avant qu'il ait pu l'atteindre, son compagnon avait sauté par la fenêtre et disparu. Un coup de revolver retentit, un sifflet strident déchira l'air, les chiens aboyèrent, puis tout se tut. Jean courait comme un cerf dans la nuit semée d'étoiles. Il laisse derrière lui la fabrique, immense hangar en planches, dans lequel se trouve le bouge infect, le chenil décoré du nom de chambre, où depuis des années il couche comme un chien de garde. Il passe devant la maison des condamnés, qui tous les soirs retentit de jurons et de cris. Elle est paisible en ce moment. Silencieuses aussi les cases en branchage des Canaques et le camp des Malabars, à droite, groupés sur le Mamelon. Condamnés, Canaques, Malabars, sont bien tous, comme il le pensait, à la fête orgiaque au Pilou-Pilou, qui a lieu dans le village voisin. On entend vaguement des cris mêlés à des chants monotones et au ronflement du tam-tam dans le lointain. Oh, quitter tous ces bandits, ces compagnons détestés de misère et d'infamie! Fuir, fuir! Ils traversent les plantations d'ananas, les champs de manioc. Ils courent comme en un refuge sur les montagnes qui s'élèvent là, tout près, imposantes et sombres, avec leurs grands arbres séculaires. Que de fois il les a escaladés pour aller rejoindre dans la brousse, derrière les troupeaux sauvages qui y vivent en liberté, avec leurs roches ferrugineuses d'un rouge sanglant, leur verdure presque noire, leurs grottes, leurs précipices, où depuis des siècles s'entassent les ossements humains. Sinistres ossuaires de ces peuplades cannibales, elles ne ressemblent guère aux douces Pyrénées, à ces montagnes de rêves entrevues blanches et idéales à travers ces jeux d'enfants. Pourtant, elles ont leur grandeur, leur beauté, leur charme même. Des fleurs délicates croissent dans les profondeurs mystérieuses des grands bois. Des sources fraîches sourdent dans la mousse, mais ils ne voient que leur majesté implacable, que la couleur cruelle de leurs rochers. Leur silhouette hautaine s'élevant brusquement sur la plaine morne oppresse son cœur. Elle lui cache durement l'horizon. Derrière leurs sombres remparts, ne découvrira-t-il pas la patrie, la vieille France, le Béarn si cher et si beau? Mais non. Ces montagnes, une fois franchies, que de plaines, que de mers il faudrait traverser encore. Hélas, des obstacles plus insurmontables que ceux-là se le séparent de celle à laquelle il s'interdit de penser. Comment jamais obtenir son pardon? Comment revenir sur tant d'offenses? C'est fini, il ne la reverra plus. Ah, que cette nuit de Noël, si chaude dans ce pays, est énervante! Elle ne ressemble guère aux nuits froides des Noëls de France, où les cœurs qui s'aiment se rapprochent, se groupent autour du foyer dans une étroite intimité, dans la douceur de la bonne nouvelle envoyée jadis à la terre. Jean s'arrête dans une clairière, s'étend sur le sol et rêve. Les arbres, tout auprès, avec leurs lianes enlacées, le font penser à la terricole, aux grandes ronces qui attrapaient sa blouse autrefois. Non, non, pas de ces souvenirs, c'est défendu. Aurait-il pu vivre s'il s'était laissé aller à réfléchir? Où est le flacon qui lui sert à étouffer ses retours vers un passé trop cher encore? Malheur, il l'a laissé là-bas. Il l'a oublié dans sa hâte de fuir. Comment s'étourdir sans lui? Que va-t-il faire maintenant qu'il a secoué le joug de son oppresseur? Pourra-t-il se passer de cette volonté tyrannique qui, après tout, était un soutien? Qu'entreprendra-t-il pour gagner son pain? Bah, il ne sera pas embarrassé. Il connaît plusieurs métiers. Il ne sera jamais plus malheureux qu'il n'a été. Tiens, une étoile filante. Celle qui conduisait les mages devait marcher plus lentement. Bon, encore ces histoires. Il se lève. La cloche du couvent des Pères de Saint-Louis sonne dans le lointain. Oh, les cloches du pays, celles d'Angaïs, le frais village couché dans la plaine verdoyante. Quel son argentin elles avaient quand leur voix pure montait, ainsi qu'une prière. Un essaim de souvenirs s'éveille en lui. Impressions d'enfance, toutes fraîches encore, qui dormaient ensevelies au fond de son cœur. Il revoit les clairs matins du dimanche, où par le chemin d'Henri IV, bordé de vieux châtaigniers, il descendait à la messe, suivi de la jolie Maï, vêtue de son long capulet noir. Elle a l'air si fin et si doux dans son vêtement de deuil. Les voisines la saluent avec respect, comme elle passe, modeste, digne, retirée en son chagrin, ainsi qu'en une forteresse. L'après-midi, que c'était amusant d'aller avec Péroulin regarder voler les quilles dans le quillet ensoleillé et bruyant, où retentissait le choc de la boule et les cris des joueurs. Ah, les radieuses journées où tout chantait en lui avec le carillon joyeux. Tais-toi, musique du diable, assez, il faut chasser cela. Je m'abrutis à rester ainsi tranquille, sans pipe ni alcool, dit-il à haute voix, en se levant vivement. Pourquoi ce soir suis-je si capon? Que se passe-t-il donc en moi? Aurais-je peur? De qui? De quoi? Je ne sais. Je tremble, mon cœur bat. Marchons, marchons vite. L'exercice va faire passer cela. Je laisserai loin derrière moi ces idées stupides. Mais ses pensées le suivent, s'attachent à ses pas comme les chiens après leur proie. Noël, Noël, répètent les cloches. Les mages, les bergers, l'enfant Jésus, toute la naïve et merveilleuse histoire se retrace à sa mémoire. Il revoit la Maï au doux visage. Il entend les chants berceurs qui l'endormaient sur son sein. Il ralentit le pas. Quel abîme entre le petit garçon qu'il était alors et l'homme qu'il est à présent. Le mal est entré en lui en maître depuis qu'il a renoncé à le combattre. Il est devenu sa proie. Son péché s'est personnifié, a pris corps, lui semble-t-il, dans Antoine, son conseiller de perdition. Mais celui-là au moins n'aura plus désormais de prise sur lui. Il a secoué son joug à jamais. Il le hait maintenant autant qu'il l'a aimé jadis. Combien n'a-t-il pas souffert depuis que, s'enfuyant du bureau où Georges l'avait enfermé après le vol, il était tombé sanglant, affolé de terreur, aux pieds de son complice qui l'attendait, se doutant que les choses allaient mal. Ils avaient fui, laissant bien vite derrière eux les rares passants groupés, que le bruit de sa chute avait attirés, et le sergent de ville qui les regardait d'un air hébété. Pendant 8 jours, il s'était caché dans une petite île du Gave, dont les eaux seraient touffues, leur offrait une sûre retraite. Ils en sortaient la nuit pour se procurer de la nourriture et pour regagner une chambre qu'Antoine avait louée dans une auberge reculée et louche, hantée par des contrebandiers et des Espagnols pouilleux. C'est là qu'était le dépôt des marchandises volées, qui emplissait plusieurs grandes caisses. « Petit, tu es perdu, lui avait dit un jour le tentateur. Si l'on te pince, tu es mis en prison, condamné, flétri à jamais. Un homme à la mer, quoi. Je pars pour la Nouvelle-Calédonie, où un de mes amis est déjà depuis 4 ans. Viens-tu avec moi? La pacotille que j'emporte et que tu m'as aidé à ramasser nous servira de fonds pour commencer. Nous la vendrons là-bas et en ferons une jolie somme. Dans ce pays, pour un morceau de pain, on a de la terre, en veux-tu, en voilà. Le climat est si doux que les maisons légèrement construites ne coûtent presque rien. Nous aurons du bétail, tant que nous en voudrons, avec une poignée d'or. Il se nourrit et se garde tout seul, paraît-il, sans fourrage ni étable. Enfin, c'est un pays de cocagne. J'ai mon idée, tu verras. Nous réussirons, nous ferons une grosse fortune. Il faudra travailler dur, par exemple, mais cela ne te fait pas peur, je le sais. Dans 10 ans, tu peux revenir en France, riche comme un nabab. La petite histoire du père Montbrillant sera oubliée. D'ailleurs, si le cœur t'en dit, tu lui restitueras l'infini capital que tu lui as emprunté à peu de force, il est vrai. Tu retrouveras ta mère, jeune encore, et tu lui offriras une vie toute dorée et douce. Cela t'aidera un peu à obtenir son pardon. Tandis que maintenant, mauvaise affaire. Quand une fois on a goûté de la prison, on ne peut plus se relever, on est fichu. Il l'avait écouté, il l'avait suivi. Oh, qui dira jamais la cruauté de cet esclavage, la perfidie de cet homme menteur? S'il avait su grand Dieu, tout n'aurait-il pas mieux valu que cet exil auprès de ce compagnon qui l'avait déçu, trompé, qui lui avait fait connaître la déchéance, le mépris, la haine? Enfin, il l'a quitté, et pour jamais. Où aller maintenant? Où? Mais il n'y a pour lui qu'un pays possible au monde, la France. Et dans la France qu'un endroit, le Béarn. Et dans le Béarn qu'un seul être, sa mère. Oui, soudain, ses hésitations, ses scrupules tombent. Il ira la trouver, la Maïe abandonnée. Il implorera à genoux son pardon. Il se traînera à ses pieds, s'il le faut, le front dans la poussière. Il lui dira, « Dis-moi des injures, bats-moi, tue-moi si tu veux, mais pardonne-moi. Je ne puis plus, je ne veux plus vivre ainsi loin de toi. Je souffre trop, ô Maïe, Maïe. » De nouveau, il se jette sur l'herbe épaisse. Des larmes abondantes tombent de ses yeux. Qu'il y a longtemps qu'il n'a pleuré. Que cela fait du bien de pleurer. Ses yeux arides, ses pauvres yeux aux paupières brûlées, habitués à voir le mal, en sont comme purifiés. Son cœur desséché s'attendrit. Il pleure longtemps, étendu sur la terre, la tête enfouie dans ses mains rudes. Le sifflet du maître retentit de nouveau. « Va, va !» murmure Jean, se relevant avec une joie délicieuse. « Fâche-toi tant que tu voudras, cela m'est bien égal. Que d'autres répondent à ton appel impérieux. Il ne me trouble plus, il est pour moi comme le cri du hibou dans la nuit. Adieu. J'étais un condamné volontaire, je suis libéré maintenant moi aussi. J'ai rompu ma chaîne, je suis libre, enfin libre. » Sa résolution est prise. Il se dirige vers Nouméa. Un bateau part dans 2 jours. Il se cachera en attendant et le prendra. Il a en poche quelque argent, peu de choses il est vrai. Mais il se souvient qu'un homme de la fabrique, envoyé à la ville pour une affaire, on est revenu en disant qu'on cherchait un cuisinier pour le paquebot, celui du bord ayant pris les fièvres. Il connaît le métier, les concurrents sont rares, il sera peut-être engagé. D'un pas ferme et rapide, il se met en route, sans jeter un regard en arrière sur ce qui représente pour lui le passé maudit, et va devant lui vers l'avenir, vers le rachat.